67 ans auparavant, les impérialistes américains, ennemis jurés du peuple coréen, ont déclenché la guerre contre notre jeune république. Les conséquences de cette guerre dénoncent toujours les crimes à jamais impardonnables des agresseurs. Rappelons que pendant une soixantaine d'années depuis la guerre de libération de la patrie, plus de 800 000 explosifs américains ont été dégagés sur toute l'étendue de la moitié nord de la Corée et que même à présent sont découverts les restes du massacre et de la destruction. Ce fait dénonce devant le monde l'atrocité des impérialistes américains qui ont provoqué la guerre d'agression cruelle et inhumaine contre la Corée.